Fait des siècles que j'attends sous le paravent, le vent du désert m'allongé sous le paravent, sous le sable blanc, tout près de la mer à côté. Je ne suis pas sur la photo, je suis au bord de l'eau. Être en ville n'est pas assez, ni trop. Je sais c'est rien, mais je préfère la seule chose que je sais faire, des ronds dans l'eau. Les herbes folles et la rivière, les plages du Finistère. Que j'entends les pas des passants, l'eau de la fontaine et la pluie qui tombe sur les passants et sur le paravent, tout près de la Seine à l'abri. Un palais, un palace, quand on oublie. Je n'ai pas vu le temps passer, les soleils se coucher. Être en vie n'est jamais trop, ni assez. Je sais c'est rien, mais je préfère la seule chose que je sais faire, des ronds dans l'eau, les herbes folles et la rivière, les plages du Finistère. Et la mer.